À l'occasion de la journée de la brillante étoile, les représentants diplomatiques de divers pays et des institutions internationales à Pyongyang ont visité le vide-courant, la filature Kim Jong-suk de Pyongyang et la fabrique de serviettes de Pyongyang.